Le second voyage de M. Suifre par Claude Berton. La préfecture de police a décidé la suppression des portes tournantes dans les cafés. M. Suifre, de Marcouy-le-Charme, en Sarthe-et-Loire, tirait un orgueil immense de sa connaissance de Paris. Et au café du Plat d'Étain, sur la Grande Place, à l'heure de la manie, entre M. Cirolet, le charcutier, le père Prou, le gros cultivateur, et ce sacré la prune, le brigadier douanier, M. Suifre, coquetier, ne tarissait pas sur Paris. À Paris on fait ci, à Paris on fait ça. Puissance de l'affirmation. M. Suifre n'avait dans toute sa vie passé qu'un mois à Paris, en 1889. M. Badroul, le pharmacien, et M. Foubert, le receveur buraliste, venaient eux directement de la capitale qu'ils avaient habitée. Cela n'empêchait pas tout Margoulier de s'écrier « Ah, pour quelqu'un qui connaît Paris, parlez-nous de Joseph Suifre !» Pourtant un jour, Brédillon, le notaire, ça ne lui a pas porté chance, il a fait faillite depuis, s'avisa de faire observer « Mais une date de l'autre siècle, votre voyage, Suifre !» Cette constatation du millésime fit une grande impression sur M. Suifre, et son fameux voyage lui parut tout à coup reculer de 100 ans dans le passé. Le résultat de cette émotion fut cette nouvelle répandue dans Margouilly, comme un trait de foudre. M. Suifre va partir pour Paris. Cela s'annonçait de même que l'on dit « Le roi Édouard revient à Londres, le tsar entre à Tsarskoïe Selo. » M. Suifre est parti pour Paris. Là, une première déception l'attendait. Malgré les observations du chef de train, qui lui conseillait de descendre au quai d'Orsay, « Je connais bien mon Paris. » On me prend pour un provincial. M. Suifre descendit à la gare d'Austerlitz, ce qui l'obligea d'aller rejoindre à pied son bagage dirigé sur la gare Terminus. La route est assez longue, et malgré sa parfaite connaissance de Paris, M. Suifre voulut recourir à l'obligeance d'un agent. À peine l'agent interrogé eut-il entendu l'accent de terroir assez étrange et prononcé de M. Suifre, qu'il répondit « Yes, sir, speak English ». M. Suifre ouvrit de tels yeux ahuris, sans répliquer, que l'agent, pensant commettre une erreur, et avisant un collègue qui flânait à 10 pas, lui cria « V'là un alboche pour toi, Gédéon !» Et Gédéon, immédiatement, questionna « Was wünschen Sie, mein Herr ?» Stupeur profonde de M. Suifre, interpellé en anglais et en allemand. Pour un instant, il eut la sensation d'un cauchemar inouï, au milieu duquel, croyant arriver à Paris, il se serait trouvé transporté du même coup et en même temps à Londres et à Berlin. Heureusement, l'homme, qui connaissait Paris, s'étant écrié « Mais je cause français !» Les deux agents polyglottes éclatèrent de rire. Devant leur méprise, et tout en renseignant M. Suifre, l'un d'eux dit « Voilà la chose de ne pas avoir l'accent parisien !» Observation qui froissa M. Suifre. Une fois en possession de sa malle, M. Suifre reprit un peu d'aplomb. Un fiacre est ailé, et fouette cocher, pour aller surprendre, rue de Fleurus, le cousin et la cousine Rapoil, sans nouvelles de M. Suifre depuis 1 an. Confortablement installé sur les coussins, M. Suifre contemplait Paris, son fameux Paris qui défilait devant lui. Voici la chambre, voici le ministère de la guerre. M. Suifre redevient parisien. Ah, les délices de la vie parisienne! Pan, un choc rude! M. Suifre s'en va donner du nez contre sa malle et le cocher est presque précipité à bas de son siège. Une auto vient de les tamponner. Ainsi brutalement arraché à son rêve favori, M. Suifre ne trouva qu'un seul mot « assassin » s'écria-t-il. Le chauffeur, doux comme la bête dont il porte la peau, répliqua. Le cocher hurla. Grâce au ciel, un agent cycliste arrivait. « Agent, prenez le nom de ce misérable qui a voulu nous tuer !» vociféra M. Suifre. Mais l'agent, s'adressant avec bienveillance au chauffeur, « Vous teniez bien votre droite !» et se tournant avec sévérité vers le cocher, « Qu'est-ce que vous fichez au milieu de la rue ?» M. Suifre protesta. « Mais c'est nous les écrasés, agent !»« C'est votre faute. D'ailleurs, ce n'est pas mon affaire de vous défendre. Je suis de la brigade pour la protection des autos. » Cette fois, M. Suifre, qui connaissait Paris, eut un choc anéantissant. Non seulement les agents de police ne parlaient plus français, mais encore, ils protégeaient les automobilistes contre les écrasés. D'un bond, il fut à terre, laissant son fiacre porter sa malle et préférant achever la route à pied. Arrivé rue de Fleurus, malgré sa connaissance de la capitale, M. Suifre ne s'y reconnut pas. La maison de Rapoil avait été jetée à terre pour le percement du boulevard Raspail, et ce furent des démarches auprès des concierges des environs afin d'obtenir la nouvelle adresse des cousins qui maintenant habitaient Montmartre. Enfin, de nouveau hissé sur son fiacre, porteur de son bagage, M. Suifre retraversa Paris, qu'il voyait vraiment bien changé. Grâce au ciel, il trouva la cousine Rapoil chez elle. Surprise, embrassade, le cousin Suifre était le bienvenu. Des nouvelles du pays, etc. Mais où est donc le cousin Rapoil? Au café Papillon, rue de Clignancourt. Et voici le cousin Suifre dehors. M. Suifre était arrivé juste devant le café Papillon, une petite brasserie d'habitués. Tout de suite, à travers la devanture, il aperçut le cousin Rapoil très absorbé à surveiller ses cartes. Un peu vieilli, le cousin Rapoil, la vue de Paris, sans doute. Dame, tout le monde ne pouvait pas la supporter aussi bien que M. Suifre, qui la menait depuis 18 ans, à Margouilly le charme. Mais, sapristi, comment entre-t-on dans ce débit? Hé, cousin, cousin Rapoil, clamait M. Suifre, planté en face d'une sorte de logette en angle aigu fermée par deux glaces et qui formait une manière de guérite au beau milieu du café Papillon. Le cousin n'entendait pas. « Entrez donc en poussant, vous ne connaissez donc pas les portes tournantes ?»« Mais si, les portes tournantes, vain Dieu, je ne connais que ça !» Et résolument entré dans la petite guérite en angle, il se mit à pousser devant lui, tambourinant sur la glace et criant « Hé, cousin, cousin Rapoil !» hurlait à tue-tête avec l'accent de Margouilly. « Par là, poussez par là !» indiquait un garçon de l'intérieur, voyant qu'il poussait dans le mauvais sens. « Comment par là ?» fit M. Suifre, indigné. « Une mauvaise farce ! On ne me la fait pas ! Hé, cousin, cousin, faites-moi ouvrir !» Devant l'obstination tapageuse et impuissante de M. Suifre, tous les consommateurs avaient levé la tête. Le cousin Rapoil fit comme les autres. Les garçons, le gérant, tous les consommateurs criaient à M. Suifre « Pas par là, dans l'autre sens !» M. Suifre, rouge, honteux, furieux, entêté, ne saisissait pas, n'entendait pas et poussait toujours, si bien que, las de crier, Rapoil et le gérant s'engagèrent, de l'intérieur, à leur tour, dans la porte pour la faire tourner et amener par l'exemple M. Suifre à reconnaître quelle était son erreur. Malheureusement, l'homme, qui connaissait Paris, ne comprenait rien à leur manœuvre. D'une épaule robuste, il redoubla ses efforts, annihilant les leurs. Crac, plac, rac. Le bruyant éclat d'une glace qui se brise, la porte a viré sous la poussée violente de Rapoil et du gérant, et M. Suifre, après avoir fondu avec son dos le panneau vitre derrière lui, se trouva projeté sur le trottoir. La foule riait, le gérant jurait, Rapoil était vexé. « C'est une porte tournante, vous ne le voyez donc pas ?» argua le gérant dédaigneux. Et faisant tourner la porte en manière de démonstration. « Ça, une porte !» répliqua M. Suifre, livide de colère. « Dans mon pays, on nomme ça une girouette !» L'incident se liquida par une centaine de francs d'indemnité. M. Suifre n'a pas fait long feu chez les Rapoil. Le cousin Rapoil, qui avait une ardoise au café Papillon, n'avait pas été satisfait de l'incident de la porte, et puis ses amis le blaguèrent au sujet de M. Suifre. M. Suifre, qui connaissait si bien Paris, est rentré à Margouilly le charme. Questionné sur ce qu'il a vu de curieux dans son voyage à Paris, dont il ne disait pas grand-chose, il répondit « Les Parisiens ont des portes qui tournent comme des girouettes !» sans rien ajouter. M. Suifre n'a jamais donné d'explication. Comme il ne parle plus de Paris, on trouve qu'il baisse beaucoup, et l'opinion généralement accréditée est qu'il a dû faire à Paris une de ces noces qui vous achève un homme. Dernièrement, en lisant le journal, il s'est écrié « Enfin, on va les supprimer, les saletés !» L'on n'a jamais su s'il s'agissait de portes, de girouettes ou de... Mais on se pose du coude quand on le voit et chacun dit « Il s'est sérieusement amusé à Paris, ce sacré Suifre !» C'était le second voyage de M. Suifre par Claude Berton.